m'appelle Makaïla Ngebla, journaliste blogueur tchadien. J'ai été expulsé le mardi 7-8 mai 2013 vers Conakry par les autorités sénégalaises qui m'ont reproché d'avoir de vouloir susciter en fait la jeunesse tchadienne à un soulèvement populaire contre le pouvoir d'Idriss Déby. Donc j'ai été menotté par la police sénégalaise et mis dans, dans un avion en direction de Conakry où je n'ai aucune attache familiale. À cet effet, je lance un appel aux organisations de défense des droits de l'homme, aux membres de la société civile espagnole en général, de bien vouloir se mobiliser pour vraiment ma cause, pour défendre ma cause, en plaidant ma cause auprès des autorités espagnoles, afin que je puisse bénéficier d'un statut de réfugié politique à partir de l'ambassade d'Espagne en Guinée-Conakry, et qu'à travers ce statut de réfugié politique, ma vie sera ma sécurité physique et morale sera garantie, et que l'Espagne, qui est connue pour sa valeur légendaire d'hospitalité, qui est connue pour son respect des droits de l'homme à travers le monde, essaie de m'accueillir comme un demandeur d'asile et qui essaie de m'assurer le minimum de protection contre toute persécution. Parce que déjà en 2005, j'ai été expulsé de la Tunisie vers le Sénégal. Aujourd'hui, on m'a expulsé du Sénégal vers la Guinée-Conakry. Parce que tout simplement, je dénonce les violations des droits de l'homme dans mon pays au Tchad. Parce que tout simplement, je milite pour la liberté d'expression. Parce que tout simplement, je milite pour la promotion de la démocratie dans mon pays. Et que je dénonce en d'autres termes la gestion mafieuse des ressources du pétrole tchadien par Idriss Déby, par son clan, par sa communauté. Et que la plupart des peuples tchadiens vivent dans une misère absolue. Et donc, je voudrais que toutes les voix de bonne volonté, tous ceux qui pensent que franchement l'injustice doit être arrêtée, qui pensent quand même, qui croient aux valeurs africaines, qui croient que l'Afrique aussi doit bénéficier de la même démocratie comme les peuples européens, comme les peuples occidentaux, essaient de venir en aide à ma cause et puis soutiennent ma cause. Et pour que l'Union européenne, le monde entier, se mobilise pour que ma cause soit entendue. Voilà le seul message que j'ai à lancer à l'endroit du peuple espagnol, qui est connu pour sa gentillesse, qui est connu pour son humanisme, il faut le reconnaître. Donc je lance une fois de plus un appel pressant à l'État espagnol pour qu'il essaye vraiment d'être attentif à ma situation de détresse que je suis en train de vivre actuellement depuis 10 jours. Voilà, merci à tout le monde.